Vous écoutez la balado d'Evée Pandore, présentée par Sécurité Montréal. Un peu plus tôt cet été, je suis tombée sur un article de Bani Amor, qui est une écrivaine de voyage qui s'intéresse à la décolonisation de la culture de voyage. Puis, dans cet article, Bani Amor portait un regard vraiment critique sur les entreprises de commerce équitable. Elle remarquait que parmi les milliers d'entreprises qui se revendiquent être équitables, bien la grande majorité de ses fondatrices et ses dirigeantes d'entreprises sont des femmes blanches. Puis de l'autre côté, la majorité des travailleuses qui créent les produits vendus sont des femmes racisées des pays du Sud. Donc, Bani Amor note aussi que le discours de ses fondatrices occidentales est empreint d'une mentalité paternaliste de sauveuse qui nous rappelle le discours colonisateur qui disait sauver les populations d'Afrique, d'Amérique et d'Asie par la colonisation. Alors, on a voulu à Evée Pandore discuter des entreprises dites équitables avec ce même genre de regard critique féministe décolonial que Bani Amor. C'est pourquoi on a invité deux membres du mouvement québécois pour une décroissance conviviale. D'abord, Jenny-Laure Sully, chercheuse et membre du conseil d'administration de l'IRIS. Bonjour, Jenny-Laure. Bonjour, Audrey. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Et Marc Lachapelle, chargé de cours en sociologie de l'entreprise au HEC. Bonjour, Marc. Bonjour. Merci de l'invitation. Alors, peut-être pour commencer, Marc, peux-tu nous décrire brièvement ce qu'est le mouvement québécois pour une décroissance conviviale? Oui, en fait, c'est un mouvement qui s'inspire d'une mouvance internationale qui a débuté en France au début des années 2000. Et c'est vraiment dans un objectif de venir critiquer cette idée de croissance infinie dans un monde fini qui est défendue par plusieurs gouvernements et économistes. Donc, comment on voit la croissance, en fait, c'est que on la juge destructrice de l'environnement, mais aussi de notre environnement social, injuste tant envers les hommes que les femmes, mais aussi tout ce qui est non vivant, donc animaux, faune, flore. Et finalement, on la juge aliénante. De l'autre côté, donc la proposition qu'on amène, c'est de faire un pas de côté, d'entrer dans des sociétés de croissance plus soutenables, justes et aussi autonomes. Mm-hmm. Et donc, je l'ai mentionné, selon Bani Amor, les entreprises équitables prétendent parfois offrir la solution pour « sauver », entre gros guillemets, les femmes des pays du Sud, de la pauvreté, du sexisme, du patriarcat. Donc, peux-tu nous dire, Jenny, nous en dire plus sur cette mentalité-là, cette image des entreprises équitables en tant que salvatrice qui est mise de l'avant par ces compagnies? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée du commerce équitable date de très longtemps. La première fois où l'idée a vraiment commencé à prendre, à faire beaucoup d'adeptes, on pourrait dire que c'est à partir de 1964, c'était à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et à ce moment-là, il y a la phrase qui a été lancée « trade, not aid ». Donc l'idée du commerce plutôt que de l'aide humanitaire. Et il faut dire que à ce moment-là, quand cette phrase-là a été lancée, le trade not aid, il y a beaucoup de gens du Sud qui se sont dit super, quelle excellente idée. On est fatigué de l'idée de charité, puis on veut être au même niveau que des autres pays. Donc beaucoup de gens du Sud ont embarqué, et c'est là que ça a commencé. Mais le problème, c'est que fondamentalement, quand on regarde les relations entre les pays du Nord et du Sud, fondamentalement, les relations sont inégalitaires. Le commerce en tant que tel est inégalitaire. Alors, d'arriver avec une idée de commerce équitable pour sauver les pays du Sud, mais sans changer la façon dont le commerce se fait dans le monde, c'était un peu voué à l'échec, et c'est ce qu'on a pu voir par la suite. Il y a eu un accent qui a été mis sur les femmes aussi, beaucoup. Donc ça, on pourra en parler tout au long de l'émission, mais en gros, on peut dire que ça a commencé en 64. Trade not aid, c'est devenu un slogan qui a été répété pendant des décennies, et on a vu que c'était un commerce qui disait faire du développement, aider les femmes à s'émanciper, et dans les faits, c'est pas le cas. Mm-hmm. Peux-tu justement nous en dire plus? Tu dis que c'est pas le cas? Ben, premièrement, quand on regarde les entreprises ou les organisations, avant de parler des entreprises, il faut parler des organisations qui ont fait la promotion du commerce équitable. On a en Europe l'organisation Max Havelaar qui s'est alliée avec des gens qui devaient certifier que le commerce est effectivement équitable. Donc, il y a d'abord cette première partie-là à comprendre, c'est que en Europe, on a des organisations qui doivent faire la certification. Et c'est la même chose aux États-Unis avec une organisation comme Fair Trade, il y a Fair Labor Organization, FLO. Toutes ces organisations-là passent beaucoup de temps à émettre des critères pour dire, ben voilà sur quoi on va se baser pour dire que tel produit est équitable versus un produit qui est conventionnel, qui vient du commerce non équitable. Et pour avoir la certification commerce équitable, Fair Trade, ben il faut payer. Déjà là, ça fait en sorte que ceux qui peuvent payer la certification, ben c'est ceux qui ont plus de moyens. Et donc, en Amérique latine, on a vu que certains pays qui étaient peut-être moins, qui avaient moins de problèmes que de pauvreté que des pays de la Caraïbe ou d'Afrique, ont eu un avantage dès le départ. Et donc, dès le départ, avec le commerce équitable, il y a eu comme un petit groupe de pays qui a été plus avantagé que d'autres pour obtenir la certification commerce équitable. Par la suite, il y a eu toutes sortes et ça a été aussi beaucoup soutenu par des organisations chrétiennes. En Europe, on a vu que c'était des organisations qui, dans le fond, étaient reliées à des mouvements de missionnaires qui se sont impliqués là-dedans. Mm-hmm. Aux États-Unis, ça a été le mouvement Mennonite, j'ai toujours de la misère à le prononcer, qui s'est impliqué, qui a lancé 10,000 villages. Ici, on connaît 10 000 villages, exactement. Ouais. Et donc, Marc, je me demandais, peux-tu nous en dire plus sur, est-ce que tu penses que le commerce équitable participe à reproduire certaines dynamiques sexistes envers les femmes travailleuses dans les pays du Sud? Oui, tout à fait. En fait, le problème, je pense, avec le commerce équitable, c'est que ça reste une entreprise et c'est un modèle entrepreneurial, qu'il soit géré par un entrepreneur ou des fois par plusieurs entrepreneurs. En reproduisant le modèle entreprise, on reproduit automatiquement tous les effets pervers qu'elle cause. Et pour ce qui est du commerce nord-sud, il en demeure que c'est la consommation du nord et la production au sud, la même logique de développement qu'on a toujours connue dans les dernières années. Et pour ce qui est dans l'enjeu des femmes chez les entreprises, l'entreprise va reconnaître toute activité productive et va ignorer toute ce qui est activité reproductive. Donc, on parle surtout de la reproduction des travailleurs, que ce soit de la naissance, mais aussi de l'éducation, mais aussi reproduire les travailleurs de façon quotidienne, donc c'est-à-dire toutes les notions de care qu'on appelle, donc produire la nourriture pour se nourrir, après ça, les soins aux enfants, les soins aux personnes plus vieux. Toutes ces notions-là ne sont pas reconnues par l'entreprise parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de production qui est produire en fait de la marchandise à partir d'une ressource naturelle pour ensuite la vendre sur le marché. Puis ça crée aussi une marchandisation des activités traditionnelles de ces femmes-là qui étaient à la base de l'économie. Exactement. Lorsqu'on regarde quel est le commerce équitable qu'on voit le plus souvent en fait dans les pays du Nord, que c'est quoi les produits qu'on peut se procurer, c'est les produits de base, donc des aliments, du café, mais aussi tout ce qui est produits artisanaux, par exemple les activités de tissage. Des activités qui, comme l'agriculture et le tissage, sont des activités majoritairement occupées par les femmes dans les pays du Sud. Mm-hmm. Et comment expliques-tu, Jenny, cette hypocrisie des entreprises équitables qui proclament l'empowerment des femmes du Sud, mais qui, dans le fond, un peu comptent sur les inégalités pour pouvoir continuer à avoir ces femmes-là comme main-d'œuvre et même utilisent leurs images pour mousser un peu leurs produits? Mais moi, je dirais qu'il y a deux types de personnes qui s'engagent dans le commerce équitable. Il y a des gens qui le font vraiment de bonne foi, avec de très bonnes intentions, et sans nécessairement avoir analysé tout ce qu'il y avait derrière. Et je dois dire que moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation-là en 2010, après le tremblement de terre en Haïti. Je parlais avec beaucoup de gens là-bas qui disaient que l'idée que fallait qu'on reçoive à tout jamais de la charité, ils étaient tannés de ça. Moi, j'étais en contact avec des gens en Haïti et donc j'ai voulu effectivement aider et je me suis bien vite rendu compte qu'il y avait un problème parce que là, il y avait la question des frais douaniers qu'il fallait calculer dans le coût. Il y avait toute la question des règles que les gouvernements ont entre eux qui fait en sorte que je ne pouvais pas tout simplement décider, OK, je veux acheter de l'artisanat haïtien et je veux que tout le monde y ait accès à un prix acceptable et je veux bien payer l'artisan. Dès qu'on commence à se heurter à la question de frais douaniers, de frais de transport, on se rend compte que c'est très difficile. La façon de le faire à petite échelle, ça fonctionne. Donc, on peut aider une famille. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. Mais dès qu'on sort du cadre de « OK, je veux aider juste un artisan, puis je vais vendre quelques-uns juste quelques-unes de ses œuvres dans des foires. Et donc, j'aide cette personne-là. Oui. Mais là, c'est clair qu'on ne fait pas du développement pour une communauté. C'est clair qu'on ne peut pas aller vraiment dans un cadre économique où est-ce qu'on change les bases du système. Donc, c'est ce que je dirais pour les gens qui sont de bonne foi. Très vite, ils doivent se rendre compte qu'il y a un problème et se dire « Oups, ça ne marche pas et puis il faut que je revoie mes choses. » Mais l'autre type de personnes, je dirais, ce sont des grosses entreprises multinationales qui cherchent à redorer leur blason, qui veulent bien paraître et qui vont vraiment faire un marketing de la pauvreté, si on peut dire, et vont convaincre les consommateurs du Nord qui sont effectivement en train d'aider les gens du Sud, alors que ce qu'ils font finalement, c'est s'acheter une bonne conscience, parce que le commerce reste inéquitable. Et ces grandes multinationales-là, quand elles se lancent vraiment dans le commerce équitable du café ou d'autres produits agricoles, un peu moins l'artisanat, mais surtout avec les matières premières, c'est là que c'est au niveau des matières premières que c'est très, très, très inéquitable. Ah, ben, le café, le cacao, le chocolat, ce qui arrive, c'est que sur $1, par exemple, qui est dépensé par un consommateur du Nord, ben, il y a 3 sous qui va à la personne, au producteur du Sud. Donc, même quand c'est un café dit équitable. Tout à fait. Même quand c'est un café équitable, il y a toutes sortes de rapports qui sont sortis et qui démontrent que, à cause des frais douaniers, à cause des frais de certification, à cause du fait qu'il y a quand même une compétition qui s'engage entre les produits équitables eux-mêmes et entre les produits équitables et non équitables, ben, les prix, même s'ils sont très élevés, ne se rendent pas. Premièrement, les prix, quand ils sont très élevés, vont surtout servir à payer toutes les organisations de certification dans le Nord. Tous les gens dans le Nord qui organisent le commerce équitable, mais c'est eux qui bénéficient du prix qui est plus élevé. Tandis que le travailleur dans le Sud reçoit 3 sous, ce qui est à peu près la même chose que le commerce non équitable. Donc, il n'y a pas vraiment... Et ça, les grandes multinationales le savent très bien. Et beaucoup de ces multinationales-là ont des produits équitables et du non équitable. Donc, on n'est vraiment pas plus avancé. Donc, il y a vraiment une organisation qui fait en sorte que le rapport inégalitaire entre l'Occident et les autres pays reste le même, même dans des dynamiques dites équitables. Donc, est-ce que, Marc, on peut dire que les entreprises équitables détournent un peu le regard de ce qui affecte vraiment de manière plus importante la vie des travailleuses du Sud, donc soit des systèmes politiques ou économiques contre lesquels elles doivent lutter? Tout à fait. En fait, c'est un marketing qui est très, très libérateur pour nous. En fait, comme Jenny a dit, ça libère notre conscience, ça nous donne le slogan, justement, acheter, c'est voter. C'est l'idée de consommer mieux, mais continuer à consommer les produits du Sud, parce que c'est la manière qu'il faut pour les développer. Mais déjà, on reste dans un rapport d'exploitation, c'est-à-dire nous, on consomme et eux, ils produisent. Et ça ne pose pas des questions au niveau politique. Donc, l'implication des gouvernements, de nos gouvernements, mais aussi de leurs gouvernements, tant sur les entreprises de commerce équitable, mais sur les entreprises aussi, si on peut dire, d'exploitation traditionnelle, et aussi, comme Jenny a dit, des organisations supra-étatiques, que ce soit les ONG, mais aussi le FMI, la Banque mondiale, qui impose un modèle de développement qui, pour se sortir de la pauvreté, il faut exploiter nos ressources, il faut travailler, il faut gagner un salaire. Et c'est un modèle unique, c'est un modèle qui est propre à nous, l'Occident, et qui est très néfaste pour la planète et pour les individus, et qui est imposé, et on rejette du revers de la main toute autre conception de la vie bonne, d'où les mouvements, justement, plus autochtones au niveau d'Amérique du Sud, comme Buen Vivir, où est-ce qu'ils embrassent une espèce de pluralité de vie. La bonne vie n'était pas, justement, la vie de travail salarié dans une entreprise. Mm-hmm. Donc, vous l'avez tous les deux mentionné, on participe un peu à se donner bonne conscience lorsqu'on achète des produits équitables. Comment, Jenny, penses-tu qu'on peut être réellement solidaire des travailleuses qui font ces produits équitables? Des travailleuses qui font les produits équitables, ça suppose vraiment d'être en lien avec des organisations qui ne voient pas le commerce équitable comme la solution. Le commerce équitable peut être une espèce de transition si c'est bien fait. Et là encore, ça va être à petite échelle. Il faut être conscient que en faisant cela, on va aider certaines personnes clés. Et à ce moment-là, c'est d'être en lien avec ces organisations-là. Mais plus que ça, moi, je dirais que les gens des pays occidentaux doivent être en lien avec des organisations comme le CADTM, qui milite pour l'abolition de la dette du tiers-monde. C'est quoi le CADTM? Le CADTM, j'oublie toujours le sigle exact. Donc, c'est le... Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Donc, si vous allez sur Internet, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, c'est vraiment une organisation que j'inciterais toute personne qui s'intéresse à l'égalité entre pays du Nord et du Sud à prendre connaissance de leur site web et de l'information qu'il y a sur ce site-là, parce que une des choses qui fait que il y a ces rapports inégalitaires-là, c'est que les pays du Sud sont très endettés envers des organisations comme le FMI, toutes sortes d'organisations mondiales, la Banque mondiale, et qu'il y a ce rapport inégalitaire-là qui se maintient. Donc ça, c'est une chose. Si vous intéressez à un pays en particulier, moi, je dirais qu'il faut aussi s'intéresser aux conditions de travail des gens dans ce pays-là. Je peux parler pour Haïti, que je connais quand même très bien. Il y a des organisations là-bas qui militent pour les droits des travailleurs, donc c'est de rentrer en contact avec eux. Ici, on a une organisation qui soutient, entre autres, les droits des travailleurs en Haïti. Je pense aussi ailleurs, dans les Caraïbes, c'est le Centre international de solidarité ouvrière, le CISO. Mm-hmm. Donc, je conseille à tout le monde d'aller aussi sur leur site web. Et donc, en soutenant une organisation comme ça qui soutient des travailleurs directement, déjà là, on travaille pour changer la dynamique. Mais tout ça, encore une fois, c'est dans une perspective où on tente d'abord de changer les conditions entre... on tente de changer les relations entre les pays d'abord, et ensuite, on pourra parler de comment échanger entre personnes, entre groupes et entre pays. Bon, à la lumière de tout ce dont on vient de parler... Marc, est-ce qu'on devrait simplement refuser d'acheter les produits équitables? Est-ce que c'est vraiment mieux d'acheter non équitable? Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, maintenant? C'est très difficile, en fait. Puis je pense que c'est une des forces du capitalisme, c'est qu'il réussit à aller dans tous les secteurs et vraiment se les accaparer. Et une fois qu'on est pris dans cette course, on est obligé de courir. Il y en a certains qui vont dire réduire la consommation, se sortir, mais d'un autre côté, ça va avoir un impact direct sur les personnes qui dépendent de ce revenu-là. Et souvent, c'est des personnes qui sont vulnérables. Je pense, c'est sûr, il y a un exercice de conscience à se faire. Le point le plus important, c'est l'autonomie. D'un point de vue psychodéveloppement, le développement, c'est pour aller chercher une certaine autonomie. En ce moment, c'est pas ça du tout qu'on donne aux pays du Sud. Bien au contraire, il y a la question de la dette pour aller chercher une autonomie, mais aussi le fait de peut-être se dire que notre façon de voir le monde n'est peut-être pas la seule et unique. Déjà là, on fait un pas vers l'avant et on va arrêter peut-être d'imposer nos modèles, qui est comme par exemple l'entreprise. Puis je pense c'est à la fois combiner peut-être du développement alternatif, comme du commerce équitable qui est peut-être plus respectueux, mais aussi c'est tranquillement de se tourner vers des alternatives au développement. Mm-hmm. Donc je note, en fait, il faut aussi pas simplement se fier à l'étiquette équitable pour vraiment aller fouiller au-delà de tout ça. Avez-vous un dernier mot pour terminer? On n'a plus beaucoup de temps. Mais... Ben, rapidement, pour revenir à la question du féminisme, effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Si je prends le cas d'Haïti, il y a eu Donna Karan, qui est une grande designer de mode américaine, qui s'est lancée aussi après le tremblement de terre dans le commerce équitable. Et puis, on a vu que ça ne donnait pas nécessairement plus de pouvoir aux femmes qui étaient sur place. Donc, on voit souvent ce genre de choses. Il y a Hillary Clinton, il faudrait que je parle d'elle un petit peu avant qu'on termine, qui s'est beaucoup impliquée en Haïti, s'est impliquée en disant qu'elle défendait les droits des femmes, et pourtant, quand elle était secrétaire d'État, elle a fait pression pour que le salaire minimum n'augmente pas en Haïti. Donc ça, c'est quand on sait des choses comme ça, on se dit ben, c'est bien beau de vouloir du commerce équitable, mais quand au plus haut niveau, donc au niveau du département d'État américain, il y a des pressions qui sont faites sur un pays du Sud pour empêcher que le salaire minimum augmente. Un salaire minimum qui est à 2,50 de l'heure, les gens voulaient le mettre à 5 $ l'heure et qu'elle a empêché ça. Donc c'est déjà très problématique, et c'est là que je dis qu'il y a un travail à faire pour ceux qui sont au Nord, de faire un travail de pression sur leur propre gouvernement pour changer les choses. Donc, je vous invite à lire l'article de Banyamar qui nous a inspiré la discussion d'aujourd'hui. L'article est intitulé « Spend and Save, the Narrative of Fair Trade and White Saviorism », publié sur la plateforme féministe Bitch Media. Alors, merci beaucoup, Jenny Lorsely et Marc Lachapelle, d'avoir été là avec nous. Merci pour vos lumières. Merci à vous. Merci.